Bonjour Marie-Hélène, 15h30, Culture Société, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. On n'en connaît que son colosse, splendeur de l'Antiquité, détruit en 226 avant notre ère par un tremblement de terre et dont nous n'avons rien retrouvé. Cette île, la plus grande de Dodécanèse, est depuis plus d'un siècle et demi l'objet de fouilles françaises, anglaises, danoises ou italiennes, mais surtout d'une grande exposition au musée du Louvre, la première du genre, Rhodes, une île grecque aux portes de l'Orient. À cette occasion, j'ai rencontré sa commissaire, Anne Coulier, conservatrice en chef. Anne Coulier, vous nous accueillez dans votre exposition, la première consacrée à l'île de Rhodes, car curieusement, et hormis son fameux colosse, le lointain passé de cette île reste encore mal connu. Oui, effectivement, c'est la première exposition consacrée exclusivement à Rhodes dans l'Antiquité. Nous parlons d'un millénaire d'archéologie rhodienne et méditerranéenne à travers cette exposition, qui a aussi le mérite de montrer la dimension européenne de ces fouilles qui ont été conduites sur un tout petit territoire. Et cette exposition s'inscrit aussi dans une autre actualité scientifique, celle de la recherche des lieux d'échange de cultures mixtes en Méditerranée orientale. Et on avait très très peu braqué le projecteur sur Rhodes. Rhodes, c'est un confetti en Méditerranée. Enfin, c'est une terre d'échange, mais par rapport à Chypre, c'est le visage grec de ce phénomène justement de mixité culturelle. On se trouve où dans la Grèce, Rhodes? Ça se trouve pas loin de la Turquie. Voilà, dans le Dodécanèse, donc Rhodes fait partie de ces 12 îles et c'est la pointe est de cet archipel du Dodécanèse. Donc c'est par sa situation dans la Méditerranée, Rhodes est vraiment au confluent de tous les mondes antiques et sur les routes commerciales et maritimes majeures. La ville qui vit la création du colosse fut fondée en 408, voire éventuellement 407, bien sûr, forcément, avant notre ère. La septième merveille du monde fut édifiée pour remercier le dieu tutélaire de la ville. Alors effectivement, c'est une construction gigantesque en l'honneur d'Hélios, le dieu soleil, pour le remercier d'avoir rendu les Rhodiens victorieux. En tout cas, ils ont résisté victorieusement au siège du pôle Urset, le preneur des villes. Et donc, c'est en remerciement que les Rhodiens érigent cette gigantesque statue de 32-34 mètres de haut. Et que sait-on sur les Rhodiens? Peut-être que ce sont eux qui ont réalisé un des plus beaux chefs-d'œuvre du Louvre, fraîchement restauré. Alors, en tout cas, les Rhodiens ont été les commanditaires de cette magnifique statue, la Victoire de Samothrace. On s'accorde à penser donc que la base, la magnifique base en forme de proue, a été faite dans une pierre locale, les carrières tout près de Lindos. En revanche, la statue en marbre vient donc d'un marbre parien, et les Rhodiens, qui étaient à l'apogée de leur puissance, 3e, 2e siècle avant, avaient tout à fait l'argent nécessaire pour commanditer les meilleurs sculpteurs, et c'est le cas de cette sculpture de tradition parienne qu'est la Victoire de Samothrace elle-même. On est dans les années moins 190. Donc la grande période de Rhodes, le moment où Rhodes est capable d'assurer la paix des mers, la lutte contre la piraterie. Et effectivement, il y a toute une école de sculpture très importante à Rhodes, mais on pense que la victoire elle-même n'est pas rhodienne. Alors peut-être deux mots, puisque le Salon Noir n'avait absolument pas parlé de sa restauration, deux mots sur cette victoire de Samothrace. Oui, j'imagine que vous en avez beaucoup parlé, qui est aujourd'hui quand même en majesté. Absolument, donc c'est vrai que fin 2014 est consacré à Rhodes pour les périodes anciennes avec cette exposition, donc qui occupe un millénaire d'histoire, 15e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, effectivement, il va y avoir toute cette actualité autour de la victoire de Samothrace en 2015, avec des publications afférentes, etc. Et c'est vrai que la restauration est absolument magnifique. Je le disais, la ville de Rhodes a plus de 2400 ans de pérennité, mais existait-il des villes au préalable? Alors, avant Rhodes, effectivement, il y a une Rhodes avant Rhodes, donc notamment la Rhodes de la Tripolis, c'est-à-dire trois cités se partageant le territoire. Camiros, donc la première cité à avoir été fouillée au XIXe siècle à l'ouest, au nord, donc à la place de Rhodes, Yalissos, et enfin Lindos, la cité maritime portuaire qui occupe le sud-est de Rhodes. Donc ces trois cités, ces cités émergent au 8e siècle et se partagent l'histoire de Rhodes, mais en de façon extrêmement pacifique jusqu'au 5e siècle, jusqu'en 408-407, date de la fondation de Rhodes. Et avant la Tripolis, l'histoire de la Tripolis, parce que les cités naissent en Grèce aux alentours, c'est une longue histoire, une genèse, mais elles apparaissent vraiment au 8e siècle avant Jésus-Christ. En amont de cela, effectivement, on a découvert, grâce aux fouilles d'abord italiennes qui ont fait émerger le passé minoen de Rhodes, puis des fouilles grecques qui ont montré que la ville de Trianda, donc sur le territoire de Ialissos, était l'équivalent d'Acrotirie, donc cette Pompéi égéenne gardée par les cendres. Alors malheureusement, Trianda n'a pas eu le même destin puisqu'elle a subi une succession d'inondations qui a par exemple perdu beaucoup de ses fresques, mais c'était, comme Santorin, les deux villes les plus riches, les plus prospères de la mer Égée. Ces trois villes sont dites des villes-États. Qu'est-ce que recouvre cette notion de ville-État ? Alors, une cité-État, c'est une ville, donc par exemple une ville, c'est-à-dire un complexe urbanisé, et son territoire, puisque effectivement, dans l'harmonie de cette autonomie des cités grecques, une ville, c'est un centre urbain, mais aussi un territoire qui fait vivre la ville. Ça explique que chacune de ces cités se partage un bout du territoire de Rhodes. Mais on peut imaginer que ces villes étaient aussi des ports tournés vers la mer. Oui, alors toutes sont tournées vers la mer, mais Lindos plus que tout autre, puisque Lindos a un sol stérile, et la stérilité de son sol, ce n'est pas le cas de Camiros, qui est une plaine très riche, Ialissos aussi, Lindos va être, du fait de la stérilité de son sol, particulièrement tournée vers la mer. Voilà. Alors nous sommes devant une œuvre majeure que vous présentez. Il faut dire que c'est réellement très beau. Le plat de Forbes. Voilà, le plat de Forbes nous mène donc en plein siège de Troie. C'est d'ailleurs ce que dit la lettre de Salzmann qui mentionne cette découverte en juillet 59, puisque ce plat, qui est un plat donc décoré d'une scène héroïque, c'est rare hein, sur cette catégorie de matériel de la Grèce de l'Est qui préfère le style animalier, orientalisant. On a là le nom des guerriers qui combattent, Ménélas, Hector, et qui combattent sur le corps de Forbes, le guerrier mort, donc sous les murs de Troie. Donc une scène de la guerre de Troie avec une technique picturale remarquable, donc avec des effets de polychromie, notamment la teinte ton de chair qui apparaît à cette époque, au 7e siècle, pour noter la chair bronzée des guerriers. Et ce plat, donc, des études toutes récentes ont permis de l'attribuer à un atelier non pas rhodien, comme on l'a cru longtemps, mais un atelier de Kos, hein, la grande île du Dodécanèse, qui après Rhodes est une île aussi fondamentale dans l'économie du Dodécanèse. Et c'est un plat qui vous a été prêté ? Par le British Museum, hein, c'est une œuvre majeure effectivement de ces créations de la Grèce de l'Est au 7e siècle. Toujours est-il que Camiros a été fouillé par un Français dénommé Salzmann, un Français qui n'est absolument pas passé à la postérité. Ouais. Malheureusement, donc Auguste Salzmann a commis l'erreur de mourir avant de publier donc son grand œuvre, Les fouilles de Camiros. Donc on possède de lui trois articles très intéressants. Mais son grand œuvre est aussi un autre, parce que Salzmann a travaillé aussi à la restitution du mausolée d'Halicarnasse, une des sept merveilles du monde. Il voulait reprendre le plan fautif fait par Charles Newton, une grande figure de l'archéologie, donc qui était à la direction du département des antiquités grecques du British Museum. C'était un ami et il avait en tête ces deux grandes publications qui ne verront jamais le jour. Même si ces lettres nous disent qu'un manuscrit était prêt, mais il n'a pas trouvé. Salzmann, c'est quelqu'un d'extrêmement méticuleux et exigeant. C'est un photographe dont maintenant les photographes actuels reconnaissent donc le caractère pionnier. On le considère même beaucoup plus moderne, beaucoup plus en avant sur son temps que Marcel Duchamp, qui a connu un succès énorme avec ses vues sur l'Égypte. Ça n'a pas été le cas de Salzmann. Et Salzmann, il faut vraiment insister, on a son portrait ici croqué par Eugène Fromentin, son ami, lors d'un voyage en Algérie, avant que ne se déclenche sa vocation d'archéologue, qui va être le fait du voyage en Égypte avec la rencontre de Mariette. Fromentin, et je trouve ça tout à fait emblématique, l'appelle Job, parce que dans le voyage en Algérie, Salzmann a perdu sa bourse. Et en fait, Job, c'est vraiment une étiquette qui colle tellement bien à Salzmann, dont la vie a été un fiasco. Tous ses grands projets ont été petit à petit réduits à néant. Donc il y a les deux publications, On l'avait aussi chargé en tant qu'architecte d'un projet de réhabilitation au Caire et de transformation au musée de la superbe mosquée du sultan Hassan, qui est un des chefs-d'œuvre donc architectural des 15e, 14e, 15e siècles. Et là encore, alors qu'on lui a donné ce projet, on lui a retiré. C'est vraiment grand dommage. Salzman a aussi participé à un très très beau projet. Il était au comité scientifique de ce qu'on appelle le musée Parent. Parent étant le mécène qui, à partir de 67, finance les dernières fouilles de Salzman à Rhodes. Et il faut savoir que ce musée parisien, qui existait rue Chateaubriand, était un musée fondé sur des principes, mais extraordinairement novateurs, qui sont nos principes actuels. Donc, par exemple, provenance, achat d'objets dont la provenance est sûre, et achat exclusif d'objets dont la provenance est sûre, c'est vraiment l'éthique des musées actuels. Pas de hiérarchie entre les matériaux, respect des contextes, ce à quoi Salzman est terriblement attaché, mais c'est un homme très en avant sur son temps aussi sur ce point. Anne Coulier, j'ai l'impression que vous êtes en train de me réhabiliter Salzman là. Absolument, alors j'espère que non seulement Salzman sera définitivement réhabilité en tant qu'archéologue, le titre auquel il tient le plus. À un moment, on le traite de photographe dans une gazette au moment où il s'apprête à partir en mission à Jérusalem. Et dans une lettre restée célèbre, il dit « Je n'ai pas dépensé 10 années de ma vie à faire le meilleur pour la science pour me voir coller cette étiquette de photographe qui équivaut à un stigmate. » C'est vous dire combien pour lui c'est un scientifique, un archéologue avant tout. Il commence ses fouilles à partir de quand? Et d'ailleurs, pourquoi se penche-t-il spécialement sur cette ville de Camiros? Après tout, il aurait pu faire bien d'autres choses. Alors en fait, dès les années 1853, il obtient une mission sans frais du ministère de l'Instruction publique pour aller à Rhodes et étudier tout d'abord les monuments des chevaliers de l'ordre de Jérusalem. En fait, il va ajourner sa mission puisqu'il part aider son ami, l'académicien Saucy, pour prendre des photos sur Jérusalem et l'aider à intervenir dans une polémique qui faisait rage à l'époque. Et donc, il ne revient à Rhodes qu'en 58. Et c'est à partir de là, comme il a le veto du pacha pour travailler sur les remparts médiévaux, donc il va changer son fusil d'épaule. Et comme il le dit, il se trouve sur le sommet, le mont Atavirios, donc le plus haut sommet de Rhodes, Strabon à la main. Et il voit que, d'après Strabon, la direction indiquée pour Camiros, c'est la direction qu'il a au nord. Et ensuite, l'étude des fragments de vases orientalisants qu'on est en train de découvrir à l'époque, qui s'appellent les vases du style des chèvres sauvages, attire son attention et ça va être le début des fouilles de Camiros, le site qu'il identifie et qu'il va fouiller. Alors, avec son collègue, le vice-consul Biliotti, le vice-consul britannique, mais plus que lui, parce que Biliotti, au départ, est vice-consul et il manque de temps. Donc, c'est Salzman qui, dans les premières années, va beaucoup donner pour ces fouilles de Camiros. Alors ces chèvres bondissantes, c'est un sujet qui vous intéresse, je crois. Alors c'est grâce à ces chèvres bondissantes qu'il y a eu finalement cette exposition sur Rhodes, puisque depuis 2005, moi je m'intéresse effectivement aux vases du style des chèvres sauvages et que de fil en aiguille, ça m'a amené à proposer un sujet d'exposition sur Rhodes. Alors Salzman a un grand intérêt pour le contexte archéologique, ce qui est quand même assez rare. À l'époque, 1852, on s'intéresse essentiellement donc aux objets et absolument pas au contexte. Il a aussi une vocation de restaurateur, c'est visiblement un vrai pionnier. Alors absolument. Alors sur la question du contexte, vous voyez que justement en travaillant sur nos collections du 19e siècle, on a été amené à reconstituer des contextes. Donc, le contexte de la tombe aux bijoux du Louvre, ces deux bijoux, on ne savait pas avant l'exposition qu'ils provenaient de la même tombe. Et Salzman nous dit que dans cette tombe avait été trouvée aussi de la céramique fracassée par la chute du plafond de la tombe. Et cette céramique, il la compare à celle du tombeau A, un tombeau donc inédit, reconstitué à l'occasion de l'exposition, et qui comporte plus d'une trentaine de pièces, et ce qui nous montre bien la diversité de ce qu'on pouvait trouver dans une tombe archaïque rhodienne, une quantité de vases à parfum, ce qui est normal dans une tombe, mais aussi des importations venues d'Orient. Les vases tout à fait à gauche, là, ce sont des vases d'origine syrienne, et aussi un scarabée, donc égyptien, portant le cartouche du pharaon Khofou. Cette découverte du tombeau A est une des découvertes majeures de Salzman? Malheureusement, une des découvertes majeures qui nous est parvenue, parce que si on retrouvait les carnets de fouilles de Salzman, dont on a simplement un tout petit extrait publié dans la seule livraison du bulletin archéologique du musée Parent, qui a eu une publication, eh ben, on pourrait en reconstituer quantité d'autres et on peut rêver et espérer que cette exposition fasse réémerger des archives. Ces archives, où sont-elles ? Alors, on sait que certaines ont été vendues dans une salle de vente sans catalogue à Colmar dans l'entre-deux-guerres. Et alors, à partir de là, il y a eu sans doute des collections privées qui se sont formées. On sait aussi que Salzmann, par exemple, avait... certains de ses dessins ont été trouvés dans des bibliothèques, donc de particuliers, dont certaines ont brûlé. Donc, on sait qu'il y a des choses qui sont irrémédiablement perdues. Maintenant, il faudrait vraiment retrouver les archives des fouilles. Anne Coulier, donc, hormis la réhabilitation, vous faites un véritable appel aux auditeurs. Donc, si des archives sur Salzmann ou Dol Salzmann existent, bien sûr, vous êtes très intéressés. Je reviens sur ce que vous disiez. Vous me parliez de parfums et de vases à parfums. Des études archéométriques, donc chimiques, physiques, ont été récemment entreprises sur le sujet ? Beaucoup d'analyses scientifiques ont accompagné donc, justement l'évolution de cette exposition. Donc, l'une d'elles porte sur le contenu de ces vases à parfums. On aurait aimé pouvoir comparer le contenu de vases grecs et de vases grecs qui proviennent de régions très différentes. Donc, est-ce que le contenu des vases corinthiens est identique à ceux des vases rhodiens, puisque ce sont deux grandes cités commerçantes en ce qui concerne les vases à parfums? Et par ailleurs, on aurait bien aimé aussi voir ce qu'il y avait dans les vases orientaux. Ces analyses tiennent à la porosité de l'argile. Donc, on essaye de voir, en grattant un peu l'argile, de voir les résultats qu'on peut en tirer. Et ça n'a pas marché sur la faïence. Donc, de toute façon, on ne peut pas comparer ce qui est... Parce qu'il est très probable qu'un vase en verre, par exemple, ait contenu un parfum plus précieux qu'un vase en argile. Et ça, du fait des aléas, on ne peut pas tout comparer. Et ce sont des analyses très complexes à interpréter. Et donc, on va faire un article scientifique sur la question, mais on n'a pas... suffisamment avancé pour donner les résultats dans le catalogue. En tout cas, c'est une belle piste. Je vois ce petit vase là avec des petits personnages, des petits soldats en marche. C'est ça. Donc ça, bon, c'est un petit vase corinthien. On trouve très, très souvent, hein, les Grecs sont des guerriers, des hoplites. Donc on trouve ce thème très souvent, et y compris à cette époque. On est là au début du VIe siècle, dans les années 580. Et c'est un motif très récurrent, parce qu'en plus, il est facile. Vous voyez, il y a juste un cercle et le guerrier est caché derrière son bouclier. Donc le peintre ne se complique pas trop la vie dans ce cas-là, en plus. Bouclier qui avait un rôle tout à fait capital, puisque on protège l'ami avec le bouclier et on frappe l'ennemi de l'autre. Le bouclier sert à protéger pour moitié le compagnon donc de gauche et le guerrier lui-même. Et donc ça montre la solidarité de la phalange qui a fait quand même la prouesse des armées grecques. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. C'est de Camiros et des fouilles de Salzmann que provient une pièce exceptionnelle du Louvre, le Riton au poulpe. Qui est juste là, d'ailleurs. Voilà. Oui, je me retourne, il est là. Ce riton a été choisi comme une icône de l'exposition pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, il y a une forme épurée, très élégante, qui convient bien à nos sensibilités modernes. Aussi parce que... On a le poulpe. Bon, le poulpe, c'est vraiment lié à la Grèce, hein, c'est lié à la mer. Il y a ce regard, la puissance de ce regard qui interpelle. Donc, c'est un objet intrigant, c'est un vase rituel donc, qui peut intriguer le public et lui donner envie de venir voir l'exposition. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un riton. Le riton, de quoi s'agit-il exactement? C'est une drôle de forme de vase, quelquefois zoomorphe. Absolument. Donc le riton, surtout donc, ceux qui sont percés au fond, ce sont des vases rituels et donc des vases qu'on considère être destinés à des libations. On en retrouve énormément dans les tombes, donc des libations aux morts, mais très curieusement, on en trouve aussi dans l'habitat. Donc c'est un vase, sans doute un vase à boire, mais qui a aussi une dimension rituelle. Est-ce que ce n'est pas des vases spécialement utilisés lors de banquets? On sait la place des banquets dans la Grèce antique. Alors ceux qui ont leur fond percé, hein, donc qui ont une destination uniquement rituelle, non. Mais sinon, je pense que c'est effectivement aussi un vase de banquet, dont certains donc, ont une vocation rituelle. Donc il y a ces deux aspects. Voilà. En tout cas, le poulpe est bien sûr très fréquent, vous le disiez, dans l'iconographie grecque. Son regard est quand même assez hypnotique. Absolument, donc on espère effectivement qu'il hypnotisera notre public. On a ces grandes affiches à la fois donc dans le métro et puis la grande bannière du Louvre, hein, elle est là pour interpeller. Et puis à côté, une coupe à pied haut, en effet, le pied est particulièrement haut. voilà. Avec ses anses. On a longtemps parlé donc de coupe à champagne pour ces très belles coupes extrêmement fines. Il faut savoir que parmi la céramique grecque, la céramique de banquet est extraordinairement riche et réputée. Et voilà, dès l'époque mycénienne, on voit l'invention de formes superbes, très fines, élégantes, comme ces coupes qu'on a aussi dans le contexte de Yalissos en bas. Ce qui est très curieux, et vous le disiez tout à l'heure, on aurait trouvé de la céramique mycénienne à Rhodes, et cela avant les fouilles de Mycène ? 10 ans avant les fouilles de Mycène, on a des lettres datées de 1868 qui montrent qu'effectivement les fouilleurs trouvent une céramique inédite, inconnue, et dont ils supputent le caractère ancien. Mais évidemment, on ne sait pas que c'est de la céramique mycénienne. Et donc, c'est petit à petit, notamment quand ils découvrent dans certains contextes des scarabées donc munis de cartouches de pharaons comme celui d'Amenhotep III, donc 14e siècle avant. Bon, on finit par comprendre que les premiers vases mycéniens ont bien été découverts 10 ans avant les fouilles de Mycène par Schliemann à Rhodes. Curieusement, les fouilles sont anciennes à Rhodes, même si son passé est encore mal connu. Des fouilles françaises, anglaises, italiennes, danoises. Voilà, donc ça c'est une des dimensions qui m'a beaucoup intéressée dans l'exposition, c'est cette dimension européenne des fouilles sur un territoire qui est somme toute modeste, hein, le territoire de Rhodes. Et donc ce qu'on a essayé de justement ressusciter à l'occasion de cette exposition, c'est cet élan international, européen, pour présenter cette histoire des fouilles. Donc le catalogue donne une synthèse inédite de cette histoire et les musées prêteurs, on a insisté là-dessus, ce sont les musées dont les pays ont participé aux fouilles. Donc effectivement, le Louvre, le British Museum, les Danois, donc Copenhague, et forcément bon, Rhodes qui garde dans son musée donc, à la fois le produit des fouilles italiennes et le produit des fouilles rhodiennes depuis 1948, depuis que Rhodes est redevenu libre. Les Danois ont eu la chance de fouiller le sanctuaire d'Athéna de Lindos et de découvrir, bien sûr, forcément caché, deux dépôts d'offrandes. Voilà, donc en fait, c'est ce sur quoi on va insister donc, avec la grande vitrine centrale de l'exposition, qui est pour nous le point de mire, la vitrine phare, c'est qu'on va comparer tout ce qui sort des différents dépôts votifs des trois sanctuaires d'Athéna, trouvés à Lindos, Camiros et Yalissos. Alors, le sanctuaire de Lindos a donné énormément d'objets, des milliers, qui sont conservés pour partie à Copenhague et à Istanbul, puisque les Danois ont fouillé sous occupation ottomane et que la législation voulait qu'il y ait un partage du produit des fouilles. Et le dernier en date, ce sont donc des fouilles italiennes à Yalissos, et Yalissos est le dépôt votif le plus riche de l'ensemble de l'île. Plus de 5000 objets y ont été découverts et un des prêts les plus remarquables qui est une offrande pharaonique d'un trône royal avec des incrustations de faïence, cadeau diplomatique qui s'inscrit dans le cadre des relations politiques mais aussi militaires entre Rhodes et l'Égypte. Il faut savoir que les mercenaires grecs étaient très prisés par les pharaons à l'époque. On va se diriger vers les objets. Je vois déjà de loin un objet très beau, central, qui m'intéresse bien sûr beaucoup. Il y a un coquillage, sûrement un bénitier, qui vient de très très loin. Alors, on considère effectivement que c'est une palette à phare. On pense que c'est ça, la fonction de cet objet. Ces grands coquillages qu'on trouve effectivement dans certaines mers chaudes, comme justement la mer Rouge. Et la beauté de ce coquillage, c'est effectivement les dessins gravés. Donc là, à la fois, la tête est gravée. On voit donc des décors à la fois floraux, qui sont extrêmement orientaux, hein, avec des lotus, etc. Et de l'autre côté, un personnage d'allure extrêmement aussi orientale, un peu à la syrienne. Voilà. C'est aussi des ivoires levantins. Oui, alors on a par exemple cet ivoire, très belle pièce du musée de Copenhague, qui présente la partie supérieure, un buste et la tête d'une femme en ivoire, trouvée à Lindos, donc au sanctuaire d'Athéna de Lindos. Beaucoup aussi d'objets en calcaire chypriote, énormément l'importance de Chypre à Rhodes, avec tous ces petits objets, plus petits que ceux qu'on trouve à Chypre eux-mêmes. On sent que ce sont des objets qui sont faits aussi pour l'exportation, et notamment l'exportation vers une clientèle grecque, puisque à côté de ces monstres hybrides, ce très beau être hybride à la lyre, on va trouver des types qui sont parfaitement grecs, comme le kouros, ou le cryophore, le porteur de bélier. Et on a aussi, à côté de ces statuettes en calcaire, des statuettes en terre cuite peinte, comme ce visage, qui est là encore une mascotte de l'exposition, puisque c'est la première fois que ces deux fragments jointifs ont été réunis à l'occasion de l'exposition. L'un, celui de droite, a été trouvé dans les fouilles franco-britanniques du 19e siècle. Il est aujourd'hui au British Museum. Et l'autre, c'est un fragment trouvé en 1930 dans les fouilles italiennes, voilà, et donc qui est actuellement au musée de Rhodes. En tout cas, Rhodes et le port de Lindos sont des haltes commerciales, des escales sur la route de la Méditerranée. Absolument. Donc c'est ce qui explique en fait que arrive à Rhodes, et c'est ce qu'on a voulu rendre dans cette grande vitrine centrale qui montre de gauche à droite des objets égyptiens égyptisants, orientaux levantins et chypriotes. Des objets arrivent de tous les coins du monde, notamment dans les sanctuaires, les différents sanctuaires, et c'est de cette influence, de cette mixité culturelle que va se nourrir l'art rhodien au confluent de tous les mondes antiques. Il y aurait même une sorte de syncrétisme, je pense à ce sphinx. Effectivement, ce sphinx de Vroulia est un bon résumé de cette mixité culturelle rhodienne, puisque c'est là encore un calcaire chypriote, donc une petite statuette chypriote importée à Rhodes, offerte dans un sanctuaire grec, le sanctuaire du site de Vroulia. Et ce sphinx sur son aile porte une inscription phénicienne. Donc on est au carrefour de la Grèce, de Chypre et de la Phénicie. Et puis des objets viennent encore de plus loin, puisque vous avez des objets d'Europe occidentale, l'Étrurie, oui, par exemple. Alors on a effectivement aussi des objets qui viennent du lointain Occident, Étrurie et Italie. Alors on retrouve bien sûr de l'Étrurie ce bucchero étrusque, qui va d'ailleurs là encore servir à nourrir l'imaginaire, la sensibilité des rhodiens, notamment des orfèvres rhodiens. On verra tout à l'heure un magnifique cantar, une œuvre unique du musée du Louvre, qui est à la croisée de plusieurs influences, à la fois donc de l'orfèvrerie et de l'art du métal, les coupes en métal phéniciennes, en argent, et parfois en or phénicienne, qui sont importées et imitées à Rhodes, et cette forme du cantar qui est typiquement étrusque. Allons la voir. C'est ici. Voilà. Donc ça, c'est notre vitrine sur l'orfèvrerie rhodienne, où on présente en majesté le cantar au sommet de la vitrine, et ensuite ce que les rhodiens ont fait donc de plus original, hein, qui est ces bijoux d'un nouveau genre, constitués de petites plaquettes, hein, montées ensemble pour former des colliers, des pectoraux. Donc on est revenu en analysant à la fois donc les matériaux. On sait que ça n'est pas un alliage naturel, l'électrum, mais c'est un alliage artificiel, donc obtenu dans les ateliers, qui privilégie l'or pâle. Il y a des teneurs en argent suffisamment fortes pour qu'on pense effectivement que ce ne soit pas un alliage naturel. L'iconographie est tout à fait orientalisante. On retrouve ces potnia terones, ces maîtresses des animaux. On retrouve des centaures ainsi que des êtres hybrides, griffons, sphinx et ces femmes abeilles. Ces femmes abeilles qui, elles, sont influencées par la crête. Donc on voit aussi que cette production, c'est une production syncrétique fortement marquée par Chypre. Les petites plaquettes quadrangulaires sont plutôt d'origine chypriote, mais avec d'autres influences, et que tout ça sert à créer quelque chose de nouveau, qui est l'orfèvrerie rhodienne orientalisante, sans équivalent dans le monde grec. Anne Coulier, il y a aussi, bien sûr, la fameuse plaquette représentant la maîtresse des animaux, flanquée de deux lions, qui a une histoire archéologique, mais aussi littéraire, reflet des liens intellectuels de l'époque. Alors absolument, le premier objet rhodien à gagner les collections du Louvre, c'est une petite plaquette en électrum, donc trouvée par Salzmann et donnée par Salzmann à son ami Saussy. Et Saussy va la donner au Louvre en 62. Et cette plaquette est sans doute un des premiers témoignages de la fascination exercée effectivement par ces trouvailles rhodiennes, puisque Flaubert, qui a demandé à voir cette plaquette, va s'en servir pour la description du second costume de Salambo, où on retrouve effectivement la description de ce collier avec ces plaquettes quadrangulaires, donc ornées de potnia terones. C'est une fascination paradoxale, puisque Salzmann est en train de découvrir l'art rhodien orientalisant, qu'on ne connaît pas, et que tous les archéologues de l'époque considèrent que c'est de l'art phénicien, dont s'inspire bien sûr Flaubert pour son héroïne carthaginoise d'origine phénicienne, Salambo. « La semaine prochaine et pour finir l'année, le Salon Noir sera consacré à l'archéologie du comte de Monte Cristo et du Château d'If. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Kevin Lebars, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien sûr écouter ou podcaster l'émission sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives sur le site inrap.fr.